belle sur Arc-en-Ciel Orléans. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans sur le 96.2 et sur internet www.radio.arc-en-ciel. Je ne me rappelle plus du plaisanterie, je le dirai tout à l'heure. Je vous souhaite un bon après-midi en ma compagnie jusqu'à 16h en ce qui me concerne. À 16h30, vous retrouverez Francky et son émission After Job. J'espère que vous avez passé une bonne matinée depuis hier que je vous ai quitté. Eh oui, le temps est couvert, mais bon, on n'annonce pas d'eau, le temps est simplement couvert. C'est l'automne qui arrive. Les feuilles tombent, les fruits commencent à tomber. Donc les vendanges ont commencé dans certaines régions. Alors voilà, le temps passe et on vieillit. On va pas penser à la vieillitude, comme dirait mon grand-père. On va mettre deux thunes dans le bastringue avec Marjane. Mets deux thunes dans le bastringue, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard sur le zinc et t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. T'occupe pas du ménage, du moment que ça te remue. Laisse tourner l'engrenage, et si tu veux vraiment que ça continue, mets deux thunes dans le bastringue. Et si t'es pas sourdingue, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Comme ça, je soliloque quand mes souvenirs me provoquent. Une dans le bastringue, histoire d'ouvrir le bal. Pose ton cafard sur le zinc et t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. T'occupe pas du ménage, du moment que ça te ravit. Laisse tourner l'engrenage, et si tu veux vraiment que ça continue, mets deux thunes dans le bastringue. Et si t'es pas sourdingue, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Mais je ne possédais qu'une pièce de 100 sous et venais l'écouler dans le bus en fun, saoulé par les gros sous. Contre un peu de pitié, l'appareil plein d'argent pouvait bien me donner, même pour 5 francs. Comme je n'ai jamais mis que ma thune dans le fourbi, la fameuse mécanique n'aurait jamais dû me rendre sa musique. Pourtant il y avait sûrement un cœur dans l'instrument qui s'est mis à jouer comme si le compte y était. Paraît qu'encore maintenant il choisit ses clients et t'envoie de l'Orphéon pour pas. Et chaud de l'Argentine, un petit âne nommé Pablo vivait joyeux sur une colline, ivre d'air pur et de galop. Gambadère et vente aux anges, humait les fleurs. C'est toujours Marjane, et cette fois-ci c'est le tango de l'âne. Quand un jour, regardant Pablo. C'est drôle, un âne qui joue. Qui lance du tango, mais enfin bon. C'est étrange. Lorsque je joue de la guitare. De nos jours, il n'y a rien d'impossible. Je chante une chanson. Pablo semble écouter ces sons qu'il rythme avec des pas bizarres. Venez, venez, voyez comme moi. Mais nous, je ne rêve pas. C'est merveilleux. Ces sabots en cadence, frappant le sol. Et c'est curieux. Mon petit âne danse. cinéastes et journalistes de partout dans le monde entier vinrent pour voir émerveiller ce petit âne fantaisiste. Longtemps, ils cherchèrent dans leur crâne un mot pour baptiser ce pas et décidèrent après 6 mois de l'appeler Tango de l'âne. Et on va écouter un accordéoniste qui n'est pas passé encore sous les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est Bernard Delfijas. Bernard Delfijas, un gars de l'Auvergne, qui a obtenu X prix Jean Seyurel. Et celle-ci en fait partie, chanson pour l'accordéoniste Bernard Delfijas. Bernard Delfijas. Un homme né sur cette terre, sans souvenir et parmi nous. Il joue au bain de nos vingt ans. l'esprit de la France entière. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 31 août, lundi 31 août, le dernier jour du mois d'août, donc, et c'est une chanson de marin à l'origine. On va l'écouter en chant de scout, au 31 du mois d'août. Femmes sont comme le soleil, c'est tout au moins Bernard Delfijas qui le dit. C'est peut-être vrai. Qu'elle soit riche ou fille de rien, la main, toujours la main, d'où que tu viennes. M'adresser aux jeunes par rapport à moi. Ce sont des gens aujourd'hui qui frôlent la retraite. Rappelez-vous, c'est indicatif. Ça va rappeler quelques souvenirs d'une émission sur la station Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque, une émission de Franck Thénéo et Daniel Filippetti. C'était tout simplement Salut les copains. Eh bien, puisqu'on parle de Salut les copains, on va écouter. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais, Sheila. Profitez des contenus de l'abonnement numérique en illimité avec plus. Sheila, vous vous rappelez certainement. Eh oui, c'est d'hier, c'est même d'avant-hier presque. présenté par Albert Reisner. Sport. Accéder au contenu numérique en illimité. Ça, on n'a pas oublié Sheila. On va continuer avec un petit peu d'accordéon. Et ce sera Piazzolesque, premier prix Jean Séguréel 1989, Bernard Delfijas. J'ai bien dit, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Pour une fois. continue en chanson, en accordéon, pardon. Jouez chez vous. Auteur Jacqueline Sanchez et composé par Cédric Boisard à l'accordéon que voici. Depuis longtemps de partir en sifflotant sur nos belles routes de France pour tenter un peu ma chance. En sifflotant sur nos belles routes de France pour tenter un peu ma chance. Je ne sais pas si vous le voulez que je vienne chez vous jouer joyeusement mille chansons avec mon accordéon. Je me suis donné pour gage de me rendre dans les villages. L'ambition que j'ai dans le cœur, c'est d'offrir un peu de bonheur. Thank you. continue avec l'accordéon, la valse de Nuisement. Vous avez reconnu, bien sûr, chez la L'école est finie. La nuit, la valse du Nuisement, Cédric Boisard. Composition Cédric Boisard lui-même. Une chanson signée chanteuse Sheila. Thank you.

si on n'a pas trouvé le nom de la chanteuse qui a été invitée plusieurs fois dans mes émissions quand elle débutait. Mélanie Dis, voilà. Et puis la suivante, c'est Sheila. Vous me direz ce que vous en pensez un jour, qu'on aura un direct à l'antenne. Voici donc la chanson et la chanteuse. Cet animateur, c'était pas Sheila, c'était Stella, une chanteuse auvergnate qui a copié l'air sur le folklore américain de Sheila. Voilà. Stella, vous rappelez, S-T-E-2-L-A. Le temps s'arrête tout autour d'eux. On jure. Eh bien, on va écouter maintenant un inconnu sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, encore un qui n'est jamais passé. Il s'appelle Robert Brummel. C'est un chanteur. Il nous interprète Sous le ciel de Venise. Robert Brummel. Continue avec Claude Barzotti. Prends bien soin d'elle. Claude Barzotti, que voici. Elle a fini par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour, puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi, je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaie-moi de bien l'aimer. Combien soin d'elle, prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, sois-lui fidèle, prends bien soin d'elle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si je l'aime quand même, je me ferai dire. J'aurais beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Une coupure inattendue, alors on va. C'est ça, arc-en-ciel. Quand ça bloque quelque part. Pour toutes ces raisons, je t'aime, Enrico Macias. Ton sourire de femme, des larmes sucrées que je n'oublie pas. Avec toi j'ai eu des années-lumière, des châteaux de cartes et des feux de bois. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Les nuits de l'exil, on était ensemble. Mon fils et ma fille, ils sont bien de toi. Tu es comme moi et je te ressemble. Je suis orphelin quand tu n'es pas là. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je n'ai pas de médaille, je suis venu comme ça. Je suis un homme, un fou d'amour, un fou de toi. J'ai passé ma vie à t'attendre. Mais j'ai gagné l'amour de Les bouquets de fleurs semblent dérisoires. Je ne chante plus dès que tu t'en vas. Tu connais par cœur ma vie, mon histoire. Mes chansons d'amour parlent encore de toi. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je n'ai pas de médaille. Je suis venu comme ça. Je suis un homme, un fou d'amour, un fou de tout. J'ai passé ma vie à t'attendre. Mais j'ai gagné l'amour de toi. J'ai vu dans tes yeux l'eau de la tendresse qui va du pardon à tes souvenirs. Tu n'as rien promis, je suis ta promesse. Et c'est avec toi que je veux vieillir. Pour toutes ces raisons, je t'aime. Je t'aime. Arc-en-ciel, 15h01, on y nous reste pratiquement une heure. Pour continuer la mission cocktail coloré de ce lundi 31 août. Demain, c'est le 1er septembre, oui, ça sent l'automne. Hein. Les feuilles commencent à tomber, vous voyez, ça sent l'automne. Je crois qu'à partir de jeudi ou vendredi, on a deux jours de forte chaleur, autour de 30 degrés. Mais à part ça, demain matin, ou je crois que c'est demain matin, je vous le confirmerai tout à l'heure, il y a 5 degrés. On sera pas loin des gelées blanches, figurez-vous. Que reste-t-il de nos amours? C'est signé Georgette Lemaire. Jalousie sans trêve, pourquoi faut-il que par faiblesse on s'abandonne? C'est vraiment pas logique, je voudrais qu'on m'explique, impensable et pourtant, pourtant, on peut mourir. Yeah. l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrie, semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur votre bonheur. Et bien sûr, Enrico Macias, enfant de tout pays, son grand succès. Pour toi, maman, Robert Brummel. Pas habitude de prononcer ce nom. Quelques fleurs, petit présent qui vient du cœur, te rappelant que malgré mon âge, je suis resté un enfant sage. Pour toi, maman, pour toi, maman, reçois ces fleurs de ton enfant. Tu sais, maman, si quelquefois inconsciemment je t'oublie parfois, non, non, ne crois pas que je suis ingrat. Tu sais, maman, je mourrai pour toi. Pour toi, maman, pour toi, maman, reçois ces fleurs de ton enfant. Ma chère maman, mille regrets pour tout ce temps où je t'oubliais. Dès à présent, je chérirai une femme. C'est toi, maman, cette noble dame. Pour toi, maman, pour toi, maman, reçois ces fleurs de ton enfant. Pour toi, maman.

et c'est Jos Baselli. Cherbourg avait raison, je continue. Je maintiens Jos Baselli. On n'a pas de son. Ah. Continue toujours, bien sûr, Amoureux pour toujours, c'est le titre d'un album. Et l'histoire est racontée par Pauline Carton, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Elle était dans mes cartons, c'est qu'à le dire, et je l'ai ressorti. Sentiment d'affection plus ou moins vif pour un être ou pour une chose. Oui, ça, voyez-vous, c'est la définition du dictionnaire. Mais il y a longtemps que les amoureux ont perdu l'habitude de consulter le dictionnaire. Quand ils aiment, on dirait qu'ils n'ont fait que ça toute leur vie. C'est une chose bruyante. L'amour, ça se crie, ça se parle, ça se raconte, ça se discute, ça se définit. mais cependant ça ne s'explique pas. Mais avant tout, l'amour, ça se chante. C'est pour cette raison qu'il est presque impossible d'aimer sans le chanter sur tous les toits. Pour être un jour aimé de toi, je donnerai ma vie. Écoute mon cœur plein d'émoi, qui vit, t'aime et te supplie. C'est toi la seule qui m'enchante, oh, ne sois pas méchante. Enlève-moi mon souci et dis-moi que tu m'aimes aussi. Je t'aime quand même et prise, conquise, soumise. Je viens à toi dès que je vois tes yeux. J'hésite, mais vite, craintive. Toujours un refrain d'amour qui convienne à l'état de votre cœur et de vos cordes vocales. Mon amour et ton amour sont nés le même jour, d'un regard très court mais qui vous charme pour toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. L'amour ne date pas d'hier, ça vous vous en doutez. Pourtant, ce serait une erreur de croire qu'il est né en même temps que l'homme. Oui, je sais, il y a Adam et Ève. Mais ceux-là, c'était des oisifs qui ne savaient que faire de leurs dix doigts. Tandis que dans les premiers âges de l'humanité, l'homme avait un tel boulot qu'il lui était bien difficile de penser à la bagatelle. Ça ne peut pas durer, pensait la femme préhistorique. Aussi est-ce la femme qui a inventé l'amour et l'homme n'a fait que suivre le mouvement. Ce mouvement, c'était la démarche de la femme. Quand l'homme préhistorique aperçut cette démarche, elle lui alla droit au cœur et il se mit à transformer fébrilement sa caverne en chambre à coucher, tandis qu'il s'écriait « Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage. » Quand il avait passé ses journées à massacrer des aurochs, il rentrait dans sa caverne et il s'endormait aussitôt. C'est bien que si tu devais partir demain. Eh bien, on va arrêter l'amour là. Me renverrait au néant doux. Parce que l'amour existera toujours, malgré les crises, malgré les virus, malgré tout ce qu'on veut. On écoute. Tais-toi Marseille par Raymond Chiozade. J'en profite pour passer une annonce. L'entreprise Alberto Coelho recherche personne polyvalente pour effectuer tous travaux de maçonnerie, peinture, menuiserie, carrelage, placo. Avec permis de conduire, poste libre de suite. Contactez le 06 75 60 59 65. Je répète, 06 75 60 59 65. Chantal, sa réaction, c'est comme de dire, vraiment sauvage. Maintenant un accordoniste un peu oublié sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est André Astier. Le premier morceau, Le rêve passe. ensuite Marinella, toujours André Astier. C'est Robert Brummel. On se promène, on se balade, on se bagnaude. On s'aime bien, on va bras dessus, bras dessous. On se trimballe, on vadrouille, on maraude. C'est la vie qu'on tient par le bon bout. On s'enlace, on se bécote, on s'embrasse. On se connaît depuis peu, mais qu'importe. On projette, on bâtit, on fait face. C'est l'avenir qu'on installe à sa porte. On projette, on bâtit, on fait face. C'est l'avenir qu'on installe à sa porte. La vie passe, il suffit de l'aimer. On voit haute, on remet toujours au lendemain. On se traite de ballot, de petite sotte. C'est l'amour qui est là, c'est certain. On bosse, on travaille, on turbine. On essaie d'amasser les gros sous. On vous dit, bah vous avez mauvaise mine. Ça c'est vrai, ça ne fait rien, on s'en fout. On vous dit, vous avez mauvaise mine. Ça c'est vrai, ça ne fait rien, on s'en fout. La vie passe, il suffit de l'aimer. La vie passe, il faut en profiter. On s'unit, on s'épouse, on se marie. On a trouvé un petit appartement. On est près de ses parents et de Paris. Attend les enfants. On voit vite défiler les années. On s'aime comme au premier jour. On voit arriver notre aîné, c'est l'annonce de son premier amour. On voit arriver votre aîné, c'est l'annonce de son premier amour. La vie passe, il suffit de l'aimer. Les petits, le bonheur c'est ça sur toute la terre. Le bonheur c'est ça dans tous les pays. Le bonheur c'est ça sur toute la terre. Le bonheur c'est ça dans tous les pays. Vive la vie, vive l'amour, vive la vie, vive quelques instants avec Robert Brumal. Brumal, je dis bien. Vieillir ensemble, jour après jour, en se disant des mots d'amour. Vieillir ensemble, jour après jour, comme si on avait toujours 20 ans. Se sentir bien l'un près de l'autre, c'est comprendre encore mieux les choses, c'est partager les joies, les peines, en se disant des je t'aime. Je veillerai toujours sur toi, je veillerai comme autrefois, je te suivrai où tu voudras, fier de toi. Ensemble, jour après jour, en se disant des mots d'amour. Vieillir ensemble, jour après jour, comme si on avait, comme si on avait toujours 20 ans. Main dans la main, nous partirons sur les chemins, toujours ensemble, toujours plus fort, toujours plus fort, en se disant des je t'aime. Tu m'as donné tant de bonheur, tu m'as donné tant. Sacré belle voix de chanteur. Et il a débuté à l'âge de 9 ans. Il travaillait dans une banque après, puis il a monté à Paris. Origine du chanteur belgique. Les marchés de Provence, c'est Étienne Laurin. Thank you. quitter dans quelques instants, quelques minutes. Il nous reste 10 minutes à peu près. Je crois que notre ami Francky ne sera pas là, contrairement à ce que j'avais annoncé. Je vous laisserai donc en compagnie de RDP International en direct du Portugal. On se retrouve de toute façon dimanche, 13h, 15h30, l'accordéon de nos régions et le musette. Quand le virus sera un peu moins actif, on changera peut-être. Bien sûr, on l'annoncera. Avec Marcel Azola. Alors, raconte. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Thank you.

Do Carlos Jorge Antunes. Temperaturas mínimas para logo à noite: Faro 20 graus, Porto Alegre 17, Lisboa 16, Castelo Branco, Setúbal e Beja 14 graus de mínima, Viana do Castelo, Viseu e Évora 13, Porto e Santarém 12 graus de mínima prevista. Antena 1. Boa tarde, são 3 horas, em Portugal continental e na Madeira. 2 da tarde, nos Açores. A Covid-19 fez mais 3 mortes em Portugal e mais 244 casos confirmados. A Direção-Geral de Saúde obriga à Festa do Avante a uma lotação máxima de 16.500 pessoas, metade do que pretendia o PCP. António Costa pede consenso político e social para enfrentar a crise económica e social e para se controlar a pandemia, uma maratona e não uma prova de 100 metros. Amanhã o sol vai estar aí de novo a brilhar, embora com algumas nuvens até meio da manhã em Portugal continental. Na Madeira e também nos Açores, céu parcialmente nublado. Notícias, edição de Miguel Soares. Em 24 horas, a Covid-19 fez mais 3 mortes em Portugal, mais 244 infecções foram detectadas, a maioria na região de Lisboa e Val do Tejo. 137 casos, 83 na região norte. A Direção-Geral de Saúde dá como recuperadas 76 pessoas, há mais 8 internadas nos hospitais. A Direção-Geral de Saúde impõe metade da lotação máxima pretendida pelo PCP na Festa do Avante, até 16.500 pessoas, aponta o parecer técnico divulgado esta tarde. Alexandra Sofia Costa. Para a DGS, a Festa do Avante representa um risco real. A participação de várias gerações implica a exposição de pessoas que pertencem a grupos mais vulneráveis ao vírus e admite o risco de, durante o evento, circularem pessoas infectadas com ou sem sintomas. Estabelece, por isso, o limite de 16.563 pessoas, abaixo das 33.000 que o PCP queria ter no recinto a cada dia, e um número bastante menor do que a capacidade do espaço de 100.000 pessoas. No palco principal podem estar a